rêve dont cacher, prêt à pas réveiller. Il faudrait que tu songes tes manies chancelaires. Il faudrait que tu sors de la classe ouvrière. Oi, oi, oi! Je suis station! Tu as de l'essence, rejoins-moi les copains! Oi, oi, oi! Je suis station! Tu as de l'essence, et n'oubliez pas! Oi! Si t'as réalisé que tu t'as fait niquer, si tu t'as fait virer, pour pas y retourner, si la FPE n'est pas fait pour te plaire, c'est que tu es sorti de la classe ouvrière! Oi, oi, oi! Je suis station! Tu as de l'essence, rejoins les copains! Oi, oi, oi, oi! Je suis station! Tu as de l'essence, et n'oubliez de l'eau! Oh!